Proto, hardcore sur ce beat, puissant comme un high kick, le droit à la recherche du chaos technique. Putain de son pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Hardcore sur ce beat, puissant comme un high kick, le droit à la recherche du chaos technique. Putain de son pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Comme sur le ring, sur ce son ça tape fort. On est sûrement pas les kings, mais on veut tous porter de l'or. Et alors, pour être gros, je garde le fruit de mes efforts. Sur nos tarifs, je mise fort, qu'est-ce t'en dis? On y crache tout encore. Du kickboxing, pour mes camés hustling, qui démarre toujours au cric et qui au quart de tout ça rime. Y'a pas de petit chéri, dans ce sport faut pas se tromper. Y'a pas de tricherie, tu connais ma loyauté et mon respect. Mon esprit, l'éducation qu'on m'a donné. Rendre-toi comme Madonna, mais tu sais, je suis borné. Mon inspiration quand j'ai les nerfs à vivre. Sur le ring, ou au mic, sur le le premier round est décisif. On est tous dans le même sac. Dans ce moyen, y'aura du sang. Sur nos sons, on s'unit tous. Voir l'importance en grandissant. Toxic, la dog. IR, c'est que départ. Vas-y, on va le rentrer. Si on est fini pour ma part. Hardcore sur ce beat. Puissant comme un équipe. Lutte 3 à la recherche du chaos technique. Putain de sang pour ma famille. Mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Hardcore sur ce beat. Puissant comme un équipe. Lutte 3 à la recherche du chaos technique, putain de sang pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. MC un peu spécial, boxeur, rappeur, mentalité d'animal. Sur ce but, je vais faire mal, envoyer mes adversaires à l'hôpital. J'ai autant de rage dans mes poings que dans mes cordes vocales. J'ai les potes à tes rafales, t'as voulu monter, tant pis, tu finiras au tapis. Je combattrai jusqu'à la mort, je taperai sans répit. Je suis fermé mais sans pitié, putain. J'ai toute la zone dans mes poings, putain, tu frappes jusqu'au pied. La force de lui, trois forains, renfermé dans mes mains. Important, rien de dramatique, je t'explique ma tactique. Pour une à coup de kick, direct, je te touche. Poche dans la bouche, high kick, je te couche, c'est le chaos. Technique, je m'impose sur ce beat, c'est du RAP boxing. J'envoie du lourd sur le beat et des lourds sur le ring. Si tu veux pas être ma victime, même pas tester le king. Hardcore sur ce beat, puissant comme un kick. Lutte 3 à la recherche du chaos technique. Putain de son pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Hardcore sur ce beat, puissant comme un kick. Lutte 3 à la recherche du chaos technique, putain de son pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Ça y est, c'est l'heure de monter sur le ring toxique. Rital Thug IR sont les kings, voici l'élite du kickboxing. Va tout à la coup de mesure sur le beat. Et Rital Thug, tu déboîtes, t'auras des points de suture sur la beat. Notre rap, Texit, c'est 83, le vrai. Et si nos flows sont médiatisés, y'a pas de différence entre rap et boxe. Tous dans le même box, on rentre dans le box office. Moi j't'étrangle, j'te clash. Que tu le sangles, tu le casses, te casses. Tu l'as mis par terre, t'as gagné ton combat. Et moi pendant ce temps-là, il répond pas, je l'ai humilié, j'ai gagné mon combat. Voilà quoi, après tout ça, c'est la Eki qui te choque. Et qui te chope, c'est le Keep Crap Gangsta K83 Toxic. On a du mérite, c'est mythique en plus. On a la clique, en plus, on a la clique. Hardcore sur ce beat, puissant comme un Eki. Lutte 3 à la recherche du chaos technique. Putain de son pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Hardcore sur ce beat, puissant comme un kick. Lutte 3 à la recherche du chaos technique. Putain de son pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Hardcore sur ce beat, puissant comme un kick. Lutte 3 à la recherche du chaos technique. Putain de son pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes. Hardcore sur ce beat, puissant comme un kick. Lutte 3 à la recherche du chaos technique, putain de sang pour ma famille, mes potos et ma zone. Putain de victoire pour toutes ces personnes.